À l'occasion du 20e anniversaire de l'inspection de Panmunjom par le général Kim Jong-il, le comité préparatoire pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes vétérans 2017, le comité suisse-coréen et le cercle d'études des études jetées ont publié le 20 novembre une déclaration commune.